Piste 10. Exercice 5. 1. Et toi, tu aimes le shopping ? 2. Bonjour monsieur, vous allez bien ? 3. Nous parlons français. Et vous, vous parlez français ? 4. Madame, vous habitez à Marseille ? Oui, vous aussi ? 6. Elles adorent le football.